كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يقول ربنا جل في علا في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Notre Seigneur dit dans son noble livre: et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. فقد مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس بقوله من المؤمنين رجال، وكلمة رجال عند العرب غالبا تستعمل في المدح والخير. Allah a certes fait l'éloge de ces gens de par sa parole: parmi les croyants il y a des hommes. Et le mot homme chez les Arabes s'emploie souvent en guise d'éloge et de bien. وهؤلاء الرجال هم صحابة نبينا الأمين صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله عليهم هم الذين اعتزوا بالإسلام فأعزهم الله وهم الذين حملوا الإسلام في قلوبهم ففتحوا به قلوب العباد والبلاد ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Et ces hommes ne sont autres que les compagnons de notre prophète عليه الصلاة والسلام, le digne de confiance. Qu'Allah les agrée. Ces hommes qui ont espéré la puissance et la force de par l'islam, et donc Allah les rendit puissants et forts. Eux qui ont porté l'islam dans leur cœur, et de par elle, ils ouvrirent les cœurs des serviteurs ainsi que les contrées. Ces gens qu'Allah, Azza wa Jal, a agréés et qui l'ont agréé. Ces gens à qui il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. فهم خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحديث رواه البخاري ومسلم. Et certes, ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes d'une manière générale. Et ceci de par la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: les meilleurs des hommes sont ceux de mon époque, puis ensuite ceux du siècle suivant, ensuite ceux du siècle suivant. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et aussi ce qui prouve qu'ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes, la parole d'Allah Azza wa Jal, dont le sens de la traduction approximative est: vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit au sujet de ce verset: il s'agit de ceux qui ont émigré avec le messager d'Allah de la Mecque jusqu'à la Médine. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit: l'avis le plus juste dans ce verset, c'est qu'il concerne la globalité des générations, et la meilleure des époques est celle où fut suscité le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. فَإِنَّهُ لَقَوْمٌ أَخْتَارَهُمُ اللَّهِ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلِنُصْرَةِ دِينِهِ فكانوا خير صحبة فعزروه ووقروه وأحبوه واتبعوه ونصروه وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الولد والوالد بل من النفوس التي بين الجنوب. Certes, c'est un peuple qu'Allah Azza wa Jal a choisi comme compagnie pour son prophète alayhi salatu wa salam et pour secourir sa religion. Ils ont donc été la meilleure des compagnies, car ils l'ont soutenu ainsi qu'honoré et ils l'ont aimé, suivi et secouru. Il était plus aimé auprès d'eux que leur propre enfant et que leur propre père. Ou plus encore, il était plus aimé auprès d'eux que leurs propres âmes. يقول عمر رضي الله عنه يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر والحديث رواه البخاري. Et voici Omar, un jour, il dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, certes, tu es plus cher à mes yeux que toute chose, excepté ma propre personne. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, non par celui qui détient mon âme entre sa main, jusqu'à ce que je sois le plus cher à tes yeux. Et alors Omar dit, radiallahu anhu, certes, alors, par Allah, tu es plus cher à ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure, à cet instant, tu es véritablement croyant, ya Omar. Et le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ. Et certes, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, l'un d'entre vous ne croira pas d'une véritable croyance jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son propre père, son enfant et l'ensemble des gens. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالاته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيء والحديث رواه أحمد وهو حديث حسن. Et le compagnon Ibn Mas'ud رضي الله عنه a dit, certes Allah Azza wa Jal a observé les cœurs des serviteurs, puis il trouva le cœur de Mohammed comme étant le meilleur des cœurs parmi les serviteurs. Il l'a donc choisi pour lui-même et l'a envoyé avec son message. Puis il observa les cœurs des serviteurs en dehors de celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il trouva que les cœurs de ses compagnons sont les meilleurs des cœurs parmi les serviteurs. Il fit donc d'eux les adjoints de son prophète, combattant pour sa religion. Et ce que voient les musulmans comme étant bon, c'est certes alors auprès d'Allah bon. Mais ce qu'ils voient, yani comme étant mauvais, c'est certes auprès d'Allah mauvais. ثُمَّ عَلَمُوا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ أَنَّ سَبِيلَ الصَّحَابَةِ هُوَ سَبِيلُ النَّجَاةِ وَهُوَ الْمِنْهَجُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِاتِّبَاعِهِ وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتمسك به. Et sachez qu'Allah vous accorde la réussite, que le chemin qu'ont emprunté les compagnons n'est autre que le chemin de la réussite, et c'est le minhaj al-haq dans lequel se trouve le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà, et c'est la voie des croyants qu'Allah nous a formellement ordonné dans son livre de suivre, et que le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné dans sa sunna de s'y accrocher. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les Ansar et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. فمن اتبع هذه الطائفة المباركة في الباطن والظاهر كان من الفائزين بالجنة ومن الذين نالوا رضا الله عز وجل. Donc celui qui suivra ce groupe de gens bénis, tant dans le fort intérieur que dans l'apparence, sera du nombre des sauvés et des bienheureux du paradis et parmi ceux qui ont atteint l'agrément d'Allah عز وجل. يقول جل وعلا محذرا من سلك سبيلا غير سبيل الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Et Allah a dit en guise de mise en garde à celui qui emprunte un autre chemin que celui des compagnons, selon la traduction approximative, et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons à ce à quoi il s'est attaché, puis nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ أَقْوَالُ وَأَفْعَالُ الصَّحَابَةِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ آنَئِذٍ هُمْ الصَّحَابَةُ كَمَا ذَكَرَهُ إِبْنُ الْقَيِّمِ. Et le chemin des croyants sont les paroles et les actions des compagnons. Comme l'indique la parole d'Allah, selon la traduction du sens, le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Et les croyants à ce moment-là n'étaient autres que les compagnons, comme l'a évoqué Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Wa hadha yadullu ala anna ittiba' as-sabil as-sahaba fi fahm shar'illah wajibun wa mukhalafatuhu dalalah. Et ceci indique que certes, le fait de suivre le chemin des compagnons dans la compréhension de la législation est obligatoire et que son contraire est un égarement. وَجَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رضي الله عنه أنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Et il est venu dans le recueil authentique de Muslim un hadith de Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu où il dit: nous avons prié la prière du Maghreb avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puis nous avons dit: pourquoi ne resterions-nous pas jusqu'à la prière du Isha? Nous nous asseyâmes donc. Puis sortit le prophète alayhi salatu wassalam vers nous et nous dit: vous êtes toujours là? Nous répondirent alors: ô messager d'Allah, on a prié avec toi, puis nous nous sommes dit: pourquoi ne pas rester jusqu'à la prière du Isha? Et le prophète sallallahu alayhi wasallam de dire: vous avez bien fait, ou vous avez vu juste. Puis il leva sa tête vers le ciel et c'était une habitude qu'il faisait souvent. Et il dit: les astres sont une sécurité pour le ciel. S'ils se dissipent et partent, touchera le ciel ce qui lui a été promis. Et moi, je suis une sécurité pour mes compagnons. Lorsque je partirai, touchera mes compagnons ce qui leur a été promis. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Lorsqu'ils partiront, atteindra ma communauté ce qui lui a été promis. قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون أي من الفتن والحروب وارتداد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون معناه ظهور البدع والحواديث في الدين والفتن فيه. Donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit au sujet de ce hadith, le sens de ce hadith est que tant que sont présents les astres, le ciel sera présent. Et lorsque se dissimuleront les étoiles et s'éparpilleront le jour de la résurrection, le ciel faiblira donc, se rompra et se déchirera, puis partira. Et au sujet de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, je suis une sécurité pour mes compagnons, lorsque je partirai touchera mes compagnons ce qui leur a été promis, c'est-à-dire comme trouble et guerre et l'apostasie de certains bédouins, ainsi que la divergence de conviction et toute autre chose parmi ceux qu'il avait clairement averti. Et certes, tout cela est arrivé. Et au sujet de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Lorsqu'ils partiront, atteindra ma communauté ce qui lui a été promis, c'est-à-dire comme innovation et calamité dans la religion, ainsi que trouble. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة وما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي بسند صحيح. Et il est confirmé que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ma communauté se divisera en 73 sectes, tous iront en enfer sauf une, celle qui sera sur ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا يدلك على أن فيصال التفريق بين الحق والباطل إنما هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه. الإمام ابن القيم رحمه الله dit que ceci t'indique que ce qui tranche dans la séparation entre la vérité et le faux est certes le suivi des compagnons sur ce sur quoi ils étaient. فالصحابة ضربوا لنا المثال الأعلى في كل مجالة الخير فلا بد أن نتمسك بمنهجهم. Les compagnons nous ont donc montré l'exemple dans tout domaine menant au bien. Il est donc impératif de s'accrocher à leur voie. في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans leur amour pour le prophète عليه الصلاة والسلام. كهذه الصحابية الجليلة قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها فلما نعوا لها قالت كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها هو على خير ما تحبين فقالت دعوني أنظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله تريد صغيرة. Comme cette noble sahabia dont le père, le frère, le mari furent tués le jour de Uhud, lorsqu'on lui fit l'annonce de leur mort, elle dit comment va le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On lui répondit qu'il se portait aussi bien qu'elle aurait souhaité. Puis elle dit, laissez-moi le voir. Et lorsqu'elle l'aperçut, elle dit, tous les malheurs en dehors de ce qui te touche est peu important au messager d'Allah. وَهَذَا أَصْحَابِيُّ الْجَلِيلِ أَسَرَتْهُ قُرَيْشٌ فَأَخَذُوهُ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ يَا زَيْدْ أنشدك الله أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت جالس في أهلك. فقال زيد والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. Et ce noble compagnon que Quraysh avait fait prisonnier, lorsqu'on le prie pour l'exécuter, Abu Sufyan lui dit, ô Zayd, ne préfères-tu pas que Mohammed soit à ta place aujourd'hui et soit exécuté pendant que tu te trouves auprès des tiens? Zayd répondit alors, par Allah, je n'apprécie guère que le prophète alayhi salatu wassalam se trouve à l'endroit où il est actuellement et qu'il soit touché par une épine alors que moi je suis au milieu des miens. Abu Sufyan dit alors, je n'ai jamais vu quelqu'un aimer d'autrui comme l'amour des compagnons de Mohammed pour Mohammed. وهم قدوتنا في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Et ce sont aussi nos exemples à suivre dans le fait de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal et son messager. فعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر قال له سعد بن معاذ والله لكنك تريدنا يا رسول الله قال أجل فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة لك فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ونحن ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه فسر على بركة الله سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام consulta ses compagnons le jour de la bataille de Badr, Sa'd ibn Mu'ad dit: Par Allah, on dirait que tu souhaites notre avis. On a cru en toi. On a attesté que ce à quoi, avec quoi, tu es venu est la vérité. Et on t'a donné de par cela notre parole, ainsi que notre engagement de t'écouter et de t'obéir. Va donc, ô messager d'Allah, vers ce que tu veux. Nous serons certes avec toi, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu nous demandais de franchir la mer, puis tu y plonges, nous plongerons avec toi, sans qu'aucun d'entre nous ne manque à l'appel. Et nous ne détestons pas le fait de rencontrer notre ennemi demain. Nous sommes certes patients dans la guerre et véridiques dans la rencontre. Et il se peut qu'Allah te montre de nous ce qui va réjouir ton œil. Va selon la bénédiction d'Allah, Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, fut pris de joie à l'écoute des paroles de Sa'd. وَهُمْ قُدْوَتُنَا كَذَلِكَ فِي الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Et ils sont aussi nos exemples dans le fait de donner dans le sentier d'Allah. فَهَذَا عُمَرُ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي بِنِصْفِ مَالِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكِ فَيَقُولُ عُمَرْ مِثْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي بِكُلِّ مَالِهِ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فيقول أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله Et voici Omar al-Farouq qui vient avec la moitié de ses biens vers le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa salam lui dit alors: Qu'as-tu laissé pour ta famille? Omar de répondre: Je leur ai laissé la même chose au messager d'Allah. Et voici Abu Bakr As-Siddiq, venant avec la totalité de ses biens, le prophète de lui dire: Qu'as-tu laissé pour ta famille? Allah et son messager, répondit Abu Bakr. Wa hadha Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi alf dinarin fi thawbih, hina jahaza an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jaysh al-usra, fasabbaha fi hujr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يردد ذلك مرارا Et voici Uthman ibn Affan رضي الله عنه venant au prophète عليه الصلاة والسلام avec 1000 dinars dans son vêtement lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم prépara l'armée musulmane pour la bataille de Tabouk Uthman versa alors l'argent dans le giron du prophète عليه الصلاة والسلام Puis le prophète le prit et dit: Aucune action de Uthman lui fera de tort après ce jour. Il répéta cela plusieurs fois. ثم يأتي في القرن الخامس عشر من يسب هؤلاء قاتلهم الله أن يفكون. Et après on entend au 15e siècle de l'Égypte que des gens insultent ses compagnons, qu'Allah les anéantisse comme ils s'écartent de la vérité. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه عندما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحة وإنها لصدقة لله أرجو برها وذخيرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله Et voici Abu Talha رضي الله عنه lorsqu'il entendit le verset disant: Vous n'atteindrez pas la véritable piété tant que vous ne donnerez pas en aumône ce qui vous est le plus cher. Il dit alors, ô messager d'Allah, certes Allah dit, et ceci selon le sens de la traduction approximative, vous n'atteindrez pas la véritable piété tant que vous ne donnerez pas en aumône ce qui vous est le plus cher. Il dit alors ce compagnon, et certes, le plus cher de mes biens est un jardin de palmiers. J'en fais donc une aumône en vue d'Allah, Azza wa Jal, tout en espérant sa récompense auprès de lui. Utilise-le, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de ce qu'Allah te montre. Wa aylan, hum qudwatuna fil hijrati wa shaja'a. Et aussi, ils sont nos exemples dans le fait d'effectuer la hijra, ainsi que dans le courage. وهذا صهيب رضي الله عنه لما خرج مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما فقال لتصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربيح البيع يا أبا يحيى ثم تلا عليه الآية أخرجه الحاكم وصحيح وهو حديث صحيح. Voici Suhaib رضي الله عنه. Lorsqu'il sortit pour établir l'immigration, il fut suivi par des gens de la Mecque. Il vida alors son carquois et sortit 40 flèches et dit: vous ne parviendrez pas à moi sans que je plante une flèche dans chacun d'entre vous. Puis je finirai au sabre, et vous saurez ainsi quel genre d'homme je suis. Et j'ai laissé derrière moi à la Mecque deux belles esclaves. Elles sont à vous, si vous me laissez partir. Et ce verset fut révélé alors: il y a parmi les gens ceux qui rachètent leurs âmes en vue d'être agréés par Allah. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam le vit, il lui dit: ô Abu Yahya, le rachat a été gagnant. Fa'ala a'rabiyun أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له فجاء الأعرابي فقال ماذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لك فقال الأعرابي ما على هذا تبعتك ولكني تبعتك على أن أرمي هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه السهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. Et voici un bédouin qui se présenta au prophète عليه الصلاة والسلام puis a cru en lui et l'a suivi. Après une certaine bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la main sur un butin qu'il partagea. Et donc il lui donna une part à cet homme. L'homme lui dit alors: ô messager d'Allah, ce n'est pas pour cela que je t'ai suivi. Le prophète de dire: mais ceci est ta part du butin. Le bédouin poursuivit: je ne t'ai suivi que pour que je sois touché par une flèche à cet endroit, en indiquant de par sa main sa gorge, ce qui me tuera et me fera entrer au paradis. Termina-t-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu es véridique avec Allah, il te rendra véridique. Les jours passèrent, puis, lors d'une bataille, le corps de cet homme fut apporté au prophète alayhi wasallam après avoir été touché d'une flèche à l'endroit qu'il avait indiqué. Le prophète sallallahu alayhi wasallam demanda: est-ce que c'est bien lui? On lui répondit: oui. Il dit alors: il fut véridique avec Allah, Allah l'a donc rendu véridique. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wasallam l'habilla de son linceul et pria sur lui. Parmi les invocations qu'il fit, il dit: ô mon Seigneur, voici ton serviteur qui émigra et qui fut tué, shahidan, et moi je suis témoin de cela. وَهَذَا عُمَيْرُ إِبْنُ الْحَمَّامِ يَوْمَ بَدْرٍ عِنْدَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ عُمَيْرُ بَخٍ بَخٍ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرتي إنها لحياة طويلة فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. Et voici Umayr ibn al-Hammam, radiallahu anhu, le jour de Badr, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à ses compagnons, « Levez-vous pour un paradis large comme les cieux et la terre. » Le noble compagnon dit alors, « Bakhin, bakhin. » Et le prophète lui demanda, « Qu'est-ce qui te pousse à dire, bakhin, bakhin ?» Le compagnon de répondre, « Non par Allah, ceci n'étant que le fait que j'espère faire partie de ces gens. » Le prophète, sallallahu alayhi salam, lui dit alors, « Certes, tu fais partie de ces gens. » Le compagnon prit alors des dattes de son sac qu'il se mit à manger. Puis il dit, « Si je vis jusqu'à ce que je termine mes dattes, cela sera certes une vie bien longue. » Il jeta alors ce qu'il avait comme dattes, puis combatta jusqu'à ce qu'il fût tué. « Fahaulahi hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashidda'u rijal min hadhihi al-umma fattiba'uhum wajib wa mukhalafatuhum dalalah wa hunaka فرق ضالة كالشيعة الشنيعة والخوارج وغيرهم ممن يقع في الصحابة الكرام بالسب والشتم والتكفير كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ce sont donc les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, les hommes forts de cette communauté. Le fait de les suivre est obligatoire et leur contradiction ou la contradiction de leur voix est un égarement. Et il existe certaines sectes comme cette affreuse secte chiite ou encore comme les khawarij et autres, qui insultent ses compagnons, qui les blâment et qui les rendent mécréants. Et certes, Allah a dit, selon une traduction approximative, quelle monstrueuse parole que celles qui sortent de leur bouche, et ce qu'ils disent n'est que mensonge. وَقَدْ بَشَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِهِ طَائِفَةً مُتَمَسِّكَةً بِهَدْيِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Et certes, le messager d'Allah Azza wa Jal nous a fait l'annonce qu'il ne cessera d'avoir à l'intérieur de sa communauté un groupe de gens accrochés à sa guidée et à la guidée de ses compagnons. Comme il a dit, il ne cessera d'avoir dans ma communauté un groupe sur la vérité. Ceux qui les trahiront ne leur causeront aucun tort, ainsi que ceux qui les contrediront. Et ceux jusqu'à l'approche de l'heure. وعلى سبيل المثال انظروا الى هذه الطائفه المباركه التي كانت بالدماج وظلمت ظلما كبيرا ليس له نظير في تاريخ اليمن ناس صلحاء نصحاء من الصالحين الطيبين جاءوا لطلب العلم فارين بدينهم من الفتن كالقتل والقتال وزخارف الدنيا. Et à titre d'exemple, observez ce groupe béni qui se trouvait à Dammaj et qui subit une grande injustice, n'ayant aucun précédent dans l'histoire du pays, c'est-à-dire du Yémen. Des gens vertueux, de bons conseils, parmi les pieux et les gens bien, qui sont venus à la recherche de la science, fuyant ainsi avec leur religion les troubles comme le meurtre et les combats, ainsi que l'embellissement trompeur de ce bas monde. وَمَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ يَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ حَدَّادِيَّةٌ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَدْ فَرِحُوا بِمَا حَصَلَ لَنَا مِنَ الْبَلَاءِ. Et c'est avec regret que l'on constate que certaines personnes, n'ayant en guise de science que le suivi aveugle, prétendent que ces gens, c'est-à-dire les gens de Dammaj, sont des innovateurs. Au pire que cela, il nous est parvenu qu'un grand nombre se réjouissent de ce qui nous est arrivé comme épreuve. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِنْحِرَافِهِمْ فِي الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ وَسُوءِ مِنْهَجِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْمُنَافِقِينَ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. Et ceci indique leur égarement dans leurs intentions et leurs œuvres, ainsi que leur mauvais cheminement. Allah Azza wa Jal a dit au sujet des hypocrites, selon la traduction du sens approximative, quand un bien vous touche, il s'afflige, et quand un mal vous atteint, il se réjouit. وَلَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ خُرُوجَنَا مِنْ دَمَّاجٍ الإيمان ضياع وذلة والله فإننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس وما بكم من نعمة فمن الله. Et que personne ne pense que notre sortie de Dammal est une humiliation. Par Allah, nous ne cesserons de dire le haq et d'y appeler, ainsi que d'enseigner le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et on considère que ce qui nous arrive est une bonne annonce, prouvant que nous sommes bien sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons, ainsi que de sa guidée. Et par une grâce d'Allah, jusqu'à présent, nous sommes toujours patients sur beaucoup de choses qu'un grand nombre de gens sont incapables de supporter. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un de ses versets selon la traduction du sens, et tout ce que vous avez comme bienfait ne provient que d'Allah. وَنَقُولُ لِهَاُلَا إِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Et on dit à ce genre de personnes, et si vous cessez votre hostilité, certes c'est mieux pour vous, mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment certes avec les croyants. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.